avec une grande soirée de retrouvailles et des lancements d'albums. Toute la programmation sur estrade.qc.ca. Un festival qui vous fera découvrir les aspects contemporains et actuels des musiques traditionnelles d'ici et d'ailleurs. Ah bonjour. Aujourd'hui, je vous amène au Japon. Mon nom est Michel Monette et c'est l'émission Les oreilles ailleurs. You said something dans la chanson Baby Song. Il y a un vieux cliché qui veut que les Japonais peuvent seulement imiter et pas créer. Ici, tout près de la station de métro Nagano, à Tokyo, on sent évidemment l'influence occidentale, mais dès qu'on voit de l'image, on réalise rapidement que les Japonais savent faire preuve de créativité. Je vais vous faire entendre quelques groupes dans la même veine que celui qu'on vient d'entendre. Les Japonais ont certes imité, ils ont fait beaucoup plus qu'imiter. En fait, ils se sont inspirés de la musique occidentale pour, en quelque sorte, se l'approprier et inventer une musique qui leur est propre, comme ici le shoegaze. En fait, le shoegaze, c'est un genre qui est né en Grande-Bretagne à la fin des années 80, mais beaucoup de groupes japonais l'ont porté un summum. On va écouter trois autres chansons, d'ailleurs, dans cette même veine. The Neon City dans Chinatown, Universe Nekoko et Lovely Summer dans L'écume des jours, mais d'abord Toru Oshina, plus dans plus un, du même album que la première chanson. Ah, je vois qu'il y a un scooter qui s'approche. Je vais mettre mes écouteurs anti-bruit. On se dit à tantôt. Thank you.

C'était Chinatown du groupe de Neon City. Et ce qui me permet au passage de vous dire que les Japonais sont aussi beaucoup influencés, ont été aussi beaucoup influencés par la musique chinoise, entre autres l'équivalent de la musique classique japonaise. Il y a des choses vraiment belles à découvrir de ce côté-là. Mais on va s'en tenir à la musique moderne. Là, on va aller vers quelque chose qui est davantage post-rock. J'ai dit tantôt shoegaze, mais c'est aussi dream pop, j-pop. Et là, on va aller du côté post-rock avec un groupe qui s'appelle TOE. C'est un groupe qui a son propre label indie, Machu Picchu. Ça, c'est le nom du label. C'est un groupe qui était jusqu'ici beaucoup plus instrumental, mais leur dernier album sorti cette année, en 2015, Hear You, fait davantage appel à leur capacité vocale. Si vous me demandez le nom de la pièce qu'on va entendre, je vous le dis d'avance, j'ai été incapable de trouver la réponse à cette question. Enfin, on va aussi entendre un groupe électronique hip-hop qui s'appelle Groupe Inu, dans la chanson Orientation. Mais écoutons d'abord le groupe Tout.

Vous ne pouvez pas être sur place? Le débat sera diffusé en différé sur CKRL 89.1 le vendredi 2 octobre dès 10h. À ne pas manquer cette semaine sur La Fabrique culturelle. On accélère le temps pour mettre en contexte un grand classique du théâtre québécois, Bousiller les Justes. Le public d'aujourd'hui a accéléré sa lecture des spectacles, des films, le cellulaire, les réseaux sociaux, ça va vite. Et on fait une incursion hors de l'ordinaire dans l'univers des sonneurs de cloches de la cathédrale Holy Trinity. À l'unisson, nous sonnons des cloches. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... L'amour a des ailes, Bonté divine, Les Mignons, Mission Impossible Rogue Nation, On voulait tout casser, Scratch, Straight Outta Compton, Toute première fois. Et à ne pas manquer au Musée de la Civilisation, Paul à Québec. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% chez Sillon le disquaire au 1149 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Vous avez besoin de bouger, de respirer ou de méditer? Namasté Yoga. Que ce soit pour du Hatha Yoga, Vinyasa, Prénatal, Maman Bébé, Power Yoga, Pilates, Yoga Chaud ou Aérien, Namasté Yoga est qualifié pour guider votre pratique en toute sécurité selon votre niveau. 4 succursales pour mieux vous guider. Namasté Limoilou, Montcalm, Lévis et Saint-Nicolas. Profitez de votre premier essai gratuitement. Le premier mois est illimité à seulement 49$. YogaNamasté.ca. Le gros lot du prochain tirage au Loto 649 est évalué à 21 millions. En plus du million garanti. Dis-le à ta famille, à tes amis. Dans le fond, non. Garde-le pour toi. 西方横山神奈川県三浦市出身宮城野部屋。 Thank you. Assister à un combat de sumo avec les cris rituels, les contacts des corps. Ça se déroulait au stade de Ryogoku Kokukikan, c'est à Tokyo. Là, on est dans un chantier de construction, toujours à Tokyo, une ville où ça bouge sans cesse. C'est une véritable transmutation de la civilisation occidentale à laquelle on a assisté au Japon. C'est pas de l'imitation, c'est tout à fait particulier, tout à fait distinct. Il y a toutes sortes de tendances musicales variées. Les pièces qui ont suivi le combat de sumo, c'était deux pièces de Susumu Yokota. C'est un musicien, un compositeur qui a plus d'une trentaine d'albums à son actif. Hélas, il nous a quittés. Il est décédé en mars dernier après une longue maladie. Il avait à peine 54 ans. Il était très versatile et très prolifique. La prochaine artiste a été comparée à Björk. On va s'éloigner du Japon sans vraiment le quitter puisqu'elle est née à Osaka et qu'elle vit à Paris. Elle est demeurée profondément attachée à son pays. Son site web est en japonais. Elle s'appelle Tochiko Noriko. On l'écoute dans une pièce de l'album East Facing Balcony qu'elle a réalisée avec Takemura Nobukatsu, un musicien très versatile qui a fait du jazz, de la house music, de la musique de chambre, de la musique électronique. Lui aussi est né à Osaka et il vit présentement en Allemagne. Voici deux Wisteria pour clore cette émission. Comme à l'habitude, je vais mettre les liens vers des pièces, mais aussi les extraits sonores que j'ai utilisés au cours de l'émission sur le blog lesoreillesailleurs.net. Thank you.